بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc الحمد لله on a terminé maintenant d'expliquer le sujet de الشرك في الطاعة, le chef dans l'obéissance, et là le chef maintenant il commence à parler d'autres sujets qui aussi sont en contradiction avec le tawhid. Okay, et parmi les exemples qu'il a donné, il a mentionné سوء الظن بالله الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله et puis ça c'est deux points qu'il a mentionné. Après il a mentionné d'autres exemples de shirk, mais on va commencer par essayer de clarifier ces deux points là qu'il a mentionné parmi les choses qui vont en contradiction avec le tawhid, et puis après on va rentrer dans les autres exemples qu'il a mentionné inshallah. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on aura le temps de terminer cette section puis d'expliquer à l'Istihza ou Bichem qui est Allah, mais on va essayer, on va voir jusqu'où on peut arriver aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, le Cheikh dit « Umurun ukhra tunafi al-tawhid »« Hada wa hunaka ashya' tunafi al-tawhid wa taqtabi al-ridda an din al-islam minha su'u al-dhanni billah » ومنها الاستهزاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل. الأول سوء الظن بالله. فسوء الظن بالله خطير، لأن حسن الظن بالله من واجبات التوحيد، وسوء الظن به ينافي التوحيد. وقد وصف الله المنافقين بأنهم يظنون بغير الحق أو يظنون به غير الحق، فقال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء أو هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وأخبر عنهم في الآية الأخرى أنهم يظنون به ظن السوء، فقال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Donc le Cheikh maintenant il dit, donc il a terminé d'expliquer qu'est-ce qui a rapport avec les autres points. Maintenant il commence à expliquer d'autres points aussi qui contredisent le tawhid et qui impliquent aussi une apostasie de l'islam, c'est-à-dire le fait de quitter l'islam, yani, si on les pratique. Et ça, c'est par exemple c'est-à-dire d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre point, c'est al-istihza ou bishayin fihi zikrullah, c'est-à-dire de se moquer de quoi que ce soit au sujet de ce qui est de quelque chose qui concerne le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de se moquer du rappel d'Allah ou de quoi que ce soit qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces deux choses-là sont des négations de la foi. Il faut que quelqu'un puisse sort de la religion et quitte, il devient un murtad ou un apostat. Donc le chef il dit que d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah c'est quelque chose de dangereux, d'accord, et bientôt il va nous expliquer qu'est-ce que ça signifie avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, su'udhan billah, qu'est-ce que ça veut dire. Alors le chef il dit parce que de bien penser, d'avoir des bonnes pensées à propos d'Allah, ça fait partie des obligations de l'unicité d'Allah, de l'obligation du tawhid. Et d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, ça contredit yani le tawhid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit que Allah il a décrit les hypocrites al-munafiqin ou al-munafiqun yani dans le Coran en disant que ce sont des gens qui ont des pensées mauvaises à propos d'Allah ou des pensées qui sont contraires à la vérité. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans une ayah de la sourate Al-Imran, ils ont pensé à propos d'Allah des pensées qui sont contraires à la vérité. Et des pensées qui sont dignes de l'époque de l'ignorance. Dhann al-jahiliya. Ils disent, est-ce que nous avons quelque chose à faire? Est-ce que nous avons quelque chose dans cette affaire? Dit, toute l'affaire appartient à Allah seul. Et ensuite, il a mentionné un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les hypocrites en disant qu'ils pensent à propos d'Allah des choses mauvaises. Et il dit, et c'est pour qu'ils punissent pour qu'ils punissent les hypocrites et les hommes et femmes, et pour qu'ils punissent les mouchtikines, hommes et femmes, qui ont des mauvaises pensées à propos d'Allah, et que sur eux soient les mauvaises, et que sur eux retombe le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le mal retombe sur eux, et ensuite il dit Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux, et il les a maudits, et il a préparé pour eux l'enfer, et que c'est la, une mauvaise destination pour eux. Donc ensuite, le chef Salih al-Fawzan, il continue et il explique les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, comment il a expliqué la première ayah qu'on a mentionnée. Il dit, قال الإمام ابن القيم في تفسير الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم هذا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقين والمشركين في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن لا يليق به سبحانه ولا بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق وإدالة مستمرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار فأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il explique cette ayah, il explique que d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah, ça a été interprété de différentes façons. Et parmi les interprétations qu'on a données à ça, de penser mal à propos d'Allah, ça implique de penser que Allah ne va pas donner la victoire à son messager, ou que sa religion va elle s'écraser ou elle va pas être défendue ou supportée. Et ça a été aussi interprété comme par exemple le fait que ce qui nous atteint de malheur, eh ben que ça fait pas partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné, ou que ça fait pas partie de sa sagesse, de la sagesse d'Allah. Yani, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire yani que on va dire qu'une personne dirait yani cette religion-là, la religion de l'islam, elle va pas être glorieuse, elle va pas être victorieuse dans ce monde, que les kuffars yani vont nous combattre et ils vont nous écraser, qu'on va être humiliés, et que cette religion-là, elle va pas être au-dessus des autres. Yani, c'est de perdre l'espoir en Allah, ok? Ou bien c'est de croire que yani, qu'est-ce qui nous atteint actuellement, par exemple, des problèmes, des malheurs, des faiblesses, ça fait pas partie de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a prédestiné. Et que ça fait pas partie de sa sagesse. En voulant dire que, on essaie de nier soit que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné ça, ou de nier que Allah subhanahu wa ta'ala a une sagesse, ou une raison, de faire que ces choses-là se produisent, dans la Ummah, ou dans le monde actuellement. D'accord? Donc ça, c'est d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le cheikh il a expliqué, ces pensées-là sont les pensées des munafiqins, de penser que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner la victoire aux croyants. De penser de ces gens-là, c'est ça de penser mal à propos d'Allah. C'est de ça que Allah parle en mentionnant ces choses-là. Donc le cheikh Ibn Qayyim il explique ces exemples. Et après il dit, et ça a aussi été interprété par le rejet de la sagesse divine, ou le rejet de la prédestination, comme on l'a dit déjà, ou yani, le fait de nier que Allah subhanahu wa ta'ala va compléter l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il va donner à sa religion la suprématie sur toutes les autres. Ça c'est yani, la pensée des munafiqin, et c'est ça la mauvaise pensée, et celle aussi des mushrikin, que Allah a mentionné dans Surat al-Fath. Et ça c'est la pensée mauvaise. Pourquoi c'est la pensée mauvaise? Pourquoi c'est ça la pensée mauvaise? Parce que c'est une pensée c'est une pensée qui est indigne à propos d'Allah. C'est indigne d'attribuer cette de penser de cette manière à propos d'Allah lorsqu'on connaît ses attributs. D'accord? Parce que Allah, on sait qu'il est Al-Hakim. Et on sait qu'il est Al-Hamid, et qu'il est yani, celui qui remplit toujours sa promesse. Donc si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala remplit toujours sa promesse, et qu'il est sage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers sans que ce soit pour une bonne raison. Il ne fait rien Allah subhanahu wa ta'ala pour rien, d'accord? Alors c'est pour ça que si on sait que Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là, et qu'il est yani, celui qui respecte ses promesses, alors on doit toujours avoir de bonnes pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser le mensonge et la fausseté avoir le dessus sur la vérité de façon continuelle, hein, et que la vérité va pouvoir être combattue et anéantie, alors il y a celui qui pense de cette façon-là, alors il a renié yani, ce qui se passe. Il a renié que ce qui se produit fait partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret. Et aussi, il a renié que son décret et sa prédestination suit une sagesse complète et totale. Et que Allah subhanahu wa ta'ala mérite pour cette sagesse-là et pour cette prédestination-là, il mérite une glorification totale et complète. Parce que même si, par exemple, on voit des choses qui se produisent actuellement qui sont mauvaises pour les musulmans, ou qui sont mal, mais on sait que Allah subhanahu wa ta'ala accepte ou permet uniquement que ces choses-là se produisent pour un but, et pour une raison, et pour une sagesse que lui, Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Hein? C'est pour tester les croyants, c'est pour distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui sont hypocrites, c'est pour faire sortir la vérité encore de façon plus claire encore. Parce que s'il n'y a pas de test, s'il n'y a pas d'épreuve, tout le monde peut dire ça y est, on est mu'minine, on croit avec la bouche. Mais lorsqu'il y a des épreuves, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire ressortir d'entre les hommes qui sont ceux qui sont vraiment sincères envers lui et qui d'autres sont seulement en apparence. Hein? Quand on est dans une période de facilité dans la Ummah, quand les musulmans ont le dessus sur les kuffars, sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan de nombre et sur tous les autres plans, alors on est en avance, alors tout le monde est fier et tout le monde est content d'être musulman, parce que yani, il y a une fierté d'être avec les gagnants, il y a une fierté d'être avec les victorieux, et ça, tout le monde veut faire partie du groupe ou des personnes qui sont victorieuses et puissantes, d'accord? Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala met une épreuve à sa umma et les met à une position de faiblesse à cause de leur péché, à cause de leur déloignement de la sharia, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste et il nous met à l'épreuve pour voir est-ce que, yani, on est vraiment dans cette religion pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala ou uniquement parce qu'on veut avoir la glorification, on veut avoir la puissance sur la terre, on veut être regardé par en haut pour que les gens nous élèvent et etc. Des choses comme ça. Donc ça fait ressortir parmi les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est certain qu'il y a des choses qui se produisent qui font partie de la sagesse d'Allah et qu'on n'est pas capable de distinguer ou de comprendre. Les exemples que j'ai donnés, c'est seulement des exemples pour nous faire réfléchir, mais peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne viennent même pas à l'esprit et que seul Allah la connaît, ou que d'autres personnes yani, ont découvert, mais que yani, j'ai pas eu la chance malheureusement de les découvrir encore. Inch'Allah. Donc, on peut arriver à comprendre à propos des exemples que le chef donne, qu'est-ce que ça signifie si on réfléchit un peu plus sur le sens des versets qui sont mentionnés. Donc, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala a ces attributs-là et qu'il mérite d'être glorifié pour tout ce qui se produit. C'est pour ça qu'on dit toujours Alhamdulillah, ala kulli hal. Peu importe ce qui se produit, que ce soit bien ou que ce soit mal, on dit toujours Alhamdulillah. Il y a un hadith là-dessus. Il y a un hadith qui dit, yani, on s'étonne de l'affaire du croyant. On s'étonne de la situation du croyant. Tout ce qu'il atteint, c'est un bien pour lui. Lorsqu'un mal le touche, alors il est endurant, il patiente, et ça c'est un bien pour lui. Et lorsqu'un mal le touche, eh ben, yani, lorsqu'un bien le touche, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il est reconnaissant. Donc les deux sont un bien. Quand un bien le touche, il remercie Allah. Et quand un mal le touche, il est patient et il est endurant et il remercie Allah aussi. Donc dans les deux cas, c'est un bien pour le croyant. Mais ça c'est seulement pour le croyant. D'accord? Donc ça nous fait comprendre aussi que Allah subhanahu wa ta'ala mérite la glorification pour toutes, dans toutes les situations. Et après, le cheikh il dit, بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. Alors le chef il dit, celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala il fait tout ce qu'il fait se produire les choses seulement par sa volonté, mais que sa volonté n'est pas reliée avec aucune sagesse, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut même si c'est contraire à la sagesse, alors celui qui pense comme ça, il a pensé comme les mushrikin et comme les kuffars, comme le chef il dit. فذلك ظن الذين كفروا. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, et sa volonté est toujours reliée avec sa sagesse. Hein? إرادته متعلقة بحكمته. Elle est reliée sa volonté à sa sagesse. Non, c'est pas, elles sont toutes reliées, ces attributs. Et c'est non, donc, c'est pas, on peut pas en prendre un puis laisser tomber les autres. Il faut toujours prendre un en considération avec les autres aussi. Non. S'il est capable. Non, essaie de, si vous n'êtes pas satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son décret, essayez de sortir de son domaine, essayez de sortir de son univers, vous n'êtes pas capable. Peu importe où vous allez, vous êtes dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le bon exemple. Après, le chef qu'est-ce qu'il dit? فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Alors malheur aux gens qui ont mécru pour un châtiment du feu qui les atteint. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Il dit la plupart des gens ont des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui les concerne ou en ce qui concerne ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait avec eux. Et seulement celui qui a connu Allah avec ses noms et ses attributs et ce qu'il a de sagesse et de glorification peut être sauvé de ces mauvaises pensées-là. D'accord? Alors que la personne qui possède le cerveau qui est sincère envers lui-même, alors qu'il fasse attention et qu'il prenne ça au sérieux et qu'il se repente envers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il demande pardon pour ses mauvaises pensées envers son Seigneur. Et ça me rappelle un point là, juste pour vous donner un exemple de ça, à propos de qu'est-ce qui s'est produit il n'y a pas longtemps les raz-de-marée, dans le, tsunami, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup parmi les kuffars, j'ai entendu des commentaires à la radio, dans les journaux, qui ont dit que, même ils ont demandé des questions à certains chrétiens, à certains juifs, à d'autres personnes de d'autres religions, leur position ou leur opinion à propos de cet événement. Et puis, ils demandaient leur point de vue, et certains d'entre eux ont dit que à cause de ça, ils avaient des doutes en Dieu. Ça avait comme secoué leur conviction. Pourquoi? Parce qu'ils se demandaient comment comment Dieu peut permettre que tant de gens meurent. Et ça, c'est toujours l'argument des malachida, des gens qui ont nié Allah. Ils essaient toujours de montrer les souffrances des gens pour essayer de montrer ou de douter en l'existence d'Allah. D'accord? Et puis, par exemple, ils disent, bon, si Dieu existe, pourquoi il y a des pauvres? Si Dieu existe, pourquoi il y a de la sécheresse ou de la souffrance? Ou pourquoi il y a des gens qui meurent? Ou pourquoi il y a des guerres? Des choses comme ça. Et les gens qui disent des choses de ce genre, souvent c'est parce qu'ils n'ont justement pas connu Allah, ni par ses noms, ni par ses attributs. Et s'ils auraient connu Allah, et ils auraient connu sa révélation, ils n'auraient jamais pensé de cette façon-là. D'accord? Et juste pour donner un exemple, au sujet de la pauvreté des hommes qui sont sur terre, ils demandent pourquoi si Allah existe, il y a des pauvres. Alors, ça me rappelle toujours une ayah dans Surat Yassin, وقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. Donc les kuffars, ils demandent aux croyants, est-ce que nous on doit nourrir ceux que si Allah aurait voulu, il les aurait nourris lui-même. Sauf que la réponse, c'est que en fait Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les riches et il a créé les pauvres. Et s'il y a des riches et des pauvres, c'est par sa volonté et c'est par sa destinée. Sauf qu'il a aussi en même temps ordonné aux gens qui ont des richesses de donner à ceux qui sont pauvres. Donc, en fait, si les riches avaient respecté l'ordre d'Allah, ils auraient partagé, ils auraient donné à ceux qui en ont pas, et donc il n'y aurait pas de pauvres. D'accord? Mais le problème, c'est justement que eux, ils croient que Allah doit directement séparer la richesse pour que tout le monde soit riche en même temps. Sauf qu'Allah, il a voulu qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres pour tester les hommes, pour les mettre dans des situations, pour être capable de les mettre dans des épreuves, pour tester leur générosité. Si tout le monde était riche, on n'aurait jamais su qui est généreux. On n'aurait jamais su qui est avare. On n'aurait jamais su toutes sortes de choses de ce genre. D'accord? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ces choses-là pour nous tester, pour nous mettre à l'épreuve. Quand, on sait, pourquoi pourquoi on vit, que cette existence-là sur terre, c'est une existence temporaire, qu'on va mourir tous et qu'on va être jugé, le jugement dernier. Alors, pour nous, la réalité de cette vie, elle n'est pas aussi, dramatique et tragédique que, pour les kuffars. Parce que pour eux, la vie est absurde, il n'y a pas de but. Ils vivent et ils meurent comme des chats, comme des chiens, comme des oiseaux, et puis c'est fini. Il n'y a pas un sens à ça. D'accord? Donc, là. Exactement. Donc, comme le frère a mentionné, là, dans ces parties du monde où il y a eu les raz-de-marée et tout ça, eh ben, c'est des endroits où il y a beaucoup de désordre, de corruption, de péchés, des choses qui se passent qui sont vraiment détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement qu'il y a de mal, alors il y a sans compter le shirk, qui produit les formes de garments et les formes de péchés que les gens font là-bas. Donc le frère, comme il a dit, les petits-enfants qui font faire la prostitution et tous ces crimes-là qui se passent. Alors, Allah a voulu les punir pour ça. Et en même temps, c'est un rappel pour les croyants. C'est un rappel pour les croyants parce que quand on voit les images de cette chose-là, quand on a regardé ça et puis ça nous force à réfléchir et à voir qu'on n'est rien, on est ici sur cette terre. Et puis quand on voit les touristes qui vont là-bas pour se mettre au soleil et tout là, et qu'ils n'ont même pas de gêne ou de honte pour faire tout ce qu'Allah déteste, et puis après le châtiment, on les a vus par terre. Et ça m'a fait penser à l'aïe dans Sourate Al-Ahqaf, lorsque Allah SWT dit « فَلَمَّا رَعَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ » C'est une aïe dans Sourate Al-Ahqaf, ça décrit exactement ce qui s'est passé à Tsunami. Ils ont vu, Allah dit dans Surat Al-Ahqaf, que lorsque les gens ont vu un nuage arriver, ils ont dit « Ah ça c'est un nuage qui va venir pour arroser, irriguer nos champs, faire la pluie. » Oui, c'est ça. Et après, Allah il dit « Non, c'est plutôt ce que vous avez précipité, vous avez demandé ce châtiment pour qu'il soit précipité vers vous. » parce qu'ils disent aux messagers à chaque fois, si ce que tu dis est vrai, alors fais venir le châtiment. Et donc, Allah SWT dit, certes, c'est ce que vous aviez demandé. Rihun fiha azabun alim. C'est un vent dans lequel il y a un dur châtiment, qui détruit tout par l'ordre de son Seigneur. Alors, fa'asbahu la yura illa masakinhum. Et après, on ne voyait plus personne excepté leur demeure. Alors c'est ce qu'on a vu avant le raz-de-marée, on voit les touristes et tout qui jouent, qui s'amusent, et puis les gens qui courent, et quand ils voient les vagues, ils riaient, ils jouaient comme ça, voilà, le bord de la plage, et la vague est arrivée, et ils ont vu que la vague ne s'arrêtait pas, elle continuait, alors là ils ont compris le danger, et là il était trop tard, regardez. Et après l'événement, on a vu leur corps qui gisait sur le bord de la plage. Comme ça, subhanallah. Et ça nous fait réaliser, subhanallah, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir sur toute chose. Bien entendu, pour les coupards, ça c'est interprété comme des événements, naturels, qui sont ni bonnes ni mauvaises, c'est-à-dire des choses, qui arrive neutre, mais c'est comme ça. Pour eux, c'est sa mère nature. Et ça, c'est une forme de ilhad, c'est-à-dire d'attribuer des choses qui se produisent dans la création à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et ça, c'est aussi une forme de shirk, comme on va le voir quand on va étudier plus loin. Et tout ça, ça nous rapporte à ce sujet-là d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah. C'est parce que lorsqu'on a compris Al-Qada ou Al-Qadar, la prédestination d'Allah, on sait qu'il n'y a même pas une atome qui peut bouger, une feuille qui peut pas tomber, il n'y a pas une feuille qui peut tomber d'un arbre, il n'y a pas une goutte de pluie qui tombe du ciel, quoi que Allah subhanahu wa ta'ala là-dessus, à quel instant, à quel moment, à quel endroit, et comment, et pourquoi, et tout, comment ça va se produire. Et ça, c'est 50 000 ans avant d'avoir créé le ciel, enfin, c'était déjà écrit. Alors ça veut dire que Allah SWT, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est pour ça que beaucoup de kuffar, ils parlent de hasard. Et ils disent oui, c'est par le hasard que tout est créé. Sauf que pour Allah SWT, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si sur, 999 milliards de milliards de possibilités, il y en a une, qui vient, pour Allah c'est pas un hasard, Allah il savait, si des choses se produisent, c'est parce que Allah a voulu que cette chose se produise pour cette personne, pour cette chose, c'est pas un hasard, il l'a calculé, il l'a voulu. D'accord? Pour nous, c'est un hasard, parce que nous sommes êtres humains. Non, pour nous, c'est un hasard, parce qu'on peut, on voit que les probabilités sont faibles. Sauf que pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas des probabilités, c'est des faits, c'est des choses qu'il, ce qu'il veut, ça arrive. Donc c'est ça. Donc on va continuer. Le cheikh dit falaw fatashta man fatashta. Falaw fatashta man fatashta la ra'ayta 'indahu ta'annutan 'ala al-qadar wa mulamatan lahu wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadha wa kadha fa mustaqill wa mustakbir. وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. Donc le cheikh il dit alors cherche parmi les gens et observe, il dit et si tu regardes bien, tu vas voir que tout le monde a quelque chose au sujet de Al-Qadar, quelque chose dans le cœur au sujet de Al-Qadar, et qu'ils ont quelque chose à blâmer à propos de Al-Qadar. Par exemple, ils disent, oh, il aurait dû se produire telle chose plutôt que telle chose, ce serait mieux si telle chose serait arrivée plutôt que telle chose. Des choses de ce genre. Il y en a qui rajoutent, il y en a qui se plaignent plus, il y en a qui se plaignent moins. Alors, il dit, cherche en toi-même pour voir si toi-même tu es sauvé de ces choses-là qui sont en rapport avec Al-Qadar. Non, c'est que, en ce qui concerne le coup, on va en parler de ça. Mais souvent, c'est quand ça rate, quand on le dit, le si, par rapport à quelque chose qui est au passé. Quelque chose qui s'est déjà produit, on ne doit pas le dire. Mais quelque chose pour l'avenir, ça c'est pas pareil. C'est dit par exemple, si j'étudie bien, je vais réussir mon examen. Ça, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Mais si tu dis, ah, si j'avais fait ça, ce ne serait pas arrivé, si j'avais fait ça, ce ne serait pas arrivé. Ça, c'est le shaitan qui rentre. Parce que c'est des choses qui sont déjà arrivées, et donc tu ne peux pas le changer. Alors tu rentres avec ça, tu rentres dans le qadar. Et beaucoup des kuffars ont des problèmes avec le qadar. Alors c'est une question qu'ils ont de la difficulté à comprendre, mais lorsqu'on a compris l'imam, on a compris le qadar et tout, les musulmans, son âme est en paix par la suite. Par exemple, on voit souvent des histoires que par exemple, une personne est partie en voiture, et puis elle a frappé quelqu'un. Et là, toute sa vie, elle va se blâmer. Ah, c'est de ma faute que la personne est morte. J'aurais dû tourner, j'aurais dû faire ski, j'aurais dû rester à la maison. Pourquoi j'étais pas resté le matin dans mon lit? Pourquoi j'étais pas ski? Pas ça, hein? Mais le mu'min, il dit non. Qaddar Allah ma sha fa'al. C'est arrivé parce que ça devait arriver, c'est écrit. Sauf que, si j'ai rien fait, il n'y a pas rien fait pour que ça se produise, c'est un accident. D'accord? Donc, Al-Mu'min, il est en fait devant ces choses-là. Il va pas se tuer à son âme comme ça pour dire. Tout le temps, pour se blâmer jusqu'à la fin de ses jours pour quelque chose qu'il n'a pas, qu'il n'avait aucun contrôle là-dessus. Et que c'était déjà prédestiné pour lui. D'accord? Après, le chef dit, فَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمْ رَحِمَهُ اللَّهُ فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظهرهم بأعدائهم ويظهرهم فأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله ظن الصوم ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يضل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظرف الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته ولا كماله. Alors le Cheikh Ibn Al-Qayyim, il répète exactement presque la même chose que ce qu'il avait dit précédemment, c'est-à-dire que celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas donner la victoire à son messager, et qui ne va pas aider son parti, c'est-à-dire le parti des croyants, et qui ne va pas les élever au-dessus des autres et leur donner la victoire sur ses ennemis, ou qui ne va pas donner la victoire à sa religion et à son livre, et qu'il va donner le pouvoir au shirk sur le tawhid et au mensonge sur la vérité, au mensonge sur la vérité d'une façon continuelle, comme ça que ça va être établi et que le mensonge sera toujours sur la vérité et que le tawhid va être écrasé et qu'il ne reviendra jamais au-dessus. Alors il dit, celui qui a cru ça, alors il a cru, il a eu des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des pensées qui ne sont pas dignes de sa majesté, de sa perfection, de ses attributs et de sa personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, par sa gloire, par sa grandeur, par sa sagesse et par sa divinité, tout ça peut pas être attribué à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas agir de cette façon-là envers les croyants et envers son parti et envers son armée. Donc il ne peut pas donner continuellement la victoire aux mushrikines, ceux qui mettent des associés et des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui pense que Allah peut faire ça, ou que Allah va faire ça, c'est-à-dire qu'il va donner la victoire continuellement aux idolâtres par-dessus les croyants, et qu'il va donner la victoire aux mensonges, et qu'il va laisser la vérité être humiliée continuellement, alors celui qui pense ça, il n'a pas connu Allah, il n'a pas connu le nom d'Allah, il n'a pas connu ses attributs et sa perfection. Après, le chef, il dit, وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِقَضَائِهِ فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. Et la même chose aussi pour celui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et la même chose aussi pour celui qui a nié que tout ce qui se produit est par sa prédestination et par son décret. Et celui qui nie ça, qui a nié le décret d'Allah, alors il n'a pas connu Allah, il n'a pas connu sa souveraineté et le fait qu'il est le maître de tout. Et qu'il n'a pas connu non plus la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh, il dit, وَكَذَلِكَ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ مَا قَدَّرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدِ وَظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا صَدَرَ عَنْ مَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ عَنْ حِكْمَةٍ وَغَايَةٍ مَطْلُوبَةٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ فَوَاتِهَا وأن تلك الأسباب المكروهة له المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم. في سورة الصاد الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. c'est ça. Allah n'a pas créé les cieux et la terre en vain, yani. Non. Parce que le cheikh il a seulement mentionné la fin de l'aïa. Dalika zannu alladhina kafaru. Mais il n'a pas mentionné le début. C'est pour ça que je voulais le relire pour être plus certain du début, parce que je me souvenais plus bien. Donc, comme on disait, il y en a qui nient Al-Qadar complètement, mais il y en a qui nient pas Al-Qadar. Ils disent oui, il y a un Qadar, sauf qu'ils nient la sagesse d'Allah. C'est-à-dire que, ils affirment que tout est prédestiné par Allah, mais ils disent oui, c'est prédestiné, mais Allah décide où il souhaite ce qu'il veut, sans qu'il y ait pour ça une sagesse, sans qu'il y ait une raison spécifique. Il veut, et ce qu'il veut, ça arrive, même si c'est bien, même si ça n'a aucun sens. D'accord? Et ceux-là ont passé à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le chef, il dit, et ça aussi, ça fait partie d'avoir des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, non, il se peut qu'il se produise des choses que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas dans l'univers. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que des gens adorent autre que lui. Mais il permet qu'il y ait des gens qui existent et qui adorent autre que lui. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le fait que ces choses-là qui existent, qui sont contraires à sa loi et à ses ordres, ça ne veut pas dire que ces choses-là sont aimées de lui. D'accord? Il permet que ces choses-là existent pour une sagesse. Mais il ne les aime pas, il les déteste. Tout ce qu'il a interdit, il le déteste. Et tout ce qu'il a ordonné, il l'aime. Mais ce n'est pas parce qu'il permet à des choses qu'il déteste de se produire que ces choses-là sont acceptées de lui. Ouais. Ah oui, il y a c'est ça. Il y a la volonté qui est la volonté universelle, l'irada al-kawniya. Et l'irada shar'iyya. L'irada shar'iyya, c'est la volonté légale, celle qui a rapport avec al-halal ou al-haram, celle qu'il a révélée par ses messagers. C'est-à-dire, qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'il déteste, on ne peut pas le savoir excepté par al-wahi, par la révélation. Mais l'irada al-kawniyya, ça c'est une révélation, c'est une volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a un rapport avec la création. C'est-à-dire tout ce qui se produit dans l'univers peut uniquement se produire par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit en accord avec sa sharia ou que ce soit contre sa sharia, c'est lui qui a voulu que ça se produise. Sauf que l'irada al-shar'iyya, c'est seulement ce qu'il aime se produire. Dans l'irada al-kawniyya, il peut se produire ce qu'il déteste ou ce qu'il aime. Mais quand c'est l'irada al-shar'iyya, celle qui a rapport avec la révélation, qu'est-ce qui se produit, et qu'est-ce qui a rapport avec al-halal ou al-haram, c'est seulement ce qu'il a révélé et ce qu'il a ordonné qu'il aime. Et tout ce qui est contraire à ce qu'il a ordonné, eh bien, il le déteste. D'accord? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans une ayah, il dit, إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Si vous avez mécru, si vous avez rejeté Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'il n'a pas besoin de vous. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Et il n'accepte pas que son serviteur soit mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, il n'est pas satisfait que son serviteur soit mécréant. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. Et si vous êtes reconnaissant, il est satisfait de vous. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Et celui, une personne qui fait un mal, une personne qui n'aura pas apporté le mal que quelqu'un d'autre a fait, cette personne sera punie pour le mal qu'il a fait lui-même. Donc, ça c'est une explication pour vous faire comprendre que, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala permette, par exemple, à Iblis d'exister. Allah a voulu que Iblis existe. Et Iblis, il fait le contraire de la volonté d'Allah. Sauf que c'est sûr que dans la création d'Iblis, il y a un mal. Il y a quelque chose de mal dans le fait qu'il existe. sont que le bien qui en découle, et le bien qui découle de ça est plus grand que le mal. C'est-à-dire que par Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala teste les croyants. Et par Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser les mu'minins et il va punir les kafirins. Donc il y a un mal dans le fait que Iblis existe, mais à la fin il y a un bien aussi. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, par cette créature-là, il arrive à distinguer et à tester la création. Ça c'est juste un exemple. Et c'est la même chose aussi pour les autres choses. Et c'est ça que je voulais dire par la distinction entre la volonté d'Allah dans les choses légales et dans les choses de la création. Ça c'est une chose qui est des fois difficile à comprendre pour certains, mais une fois qu'on l'a compris, ça clarifie beaucoup de choses. Et si on aurait plus de temps, on aurait entré en plus en détail dans cette question pour vous faire comprendre avec plus d'exemples. Mais étant donné qu'à la fin du livre, lorsqu'on va arriver à cette étape de l'imam de Qadar, à la fin, le cheikh il va l'expliquer, alors on va pouvoir rentrer plus en détail là-dedans. Mais là, il fait juste donner des exemples pour comprendre que Al-Qadar, elle est reliée avec Al-Aqidah et Al-Tawhid Al-Ruboubiyah. Et donc, c'est pour ça qu'il en parle maintenant. D'accord. Après, le cheikh il dit, « وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا » Comme on a dit tout à l'heure, le verset qu'on a cherché, c'est Allah subhanahu wa ta'ala dit « On n'a pas créé les cieux et la terre en vain. » Et ça, c'est l'idée des gens qui n'ont pas cru. Les gens qui n'ont pas cru en Allah, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent à propos de la création? C'est quoi que la création existe pour rien? Et qu'Allah n'a pas créé ça pour une raison. Big Bang ou d'autres choses, exactement. Hein? Donc, ils croient que Allah il fait des choses « abas ». Abatan, on n'y pour aucune raison, sans aucun sens. Il nie la sagesse ultime d'Allah. Et donc, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Alors, malheur pour les gens qui ont mécru d'un châtiment douloureux dans l'enfer. Après, Allah dit, وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ وَلَنْ يُسَلِّمُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده فمن قنط من رحمته وأيأس من روحه فقد ظن به ظن السوء. Donc le cheikh il répète encore que la plupart des gens ont des mauvaises pensées et qu'ils pensent à propos d'Allah contraire à la vérité. Ils pensent mal à propos d'Allah en ce qui leur concerne eux et en ce que Allah fait avec les autres aussi, parfois. Et peu d'entre les gens sont sauvés de ça. C'est-à-dire, les seuls qui sont sauvés de ça, c'est ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont connu ses noms et ses attributs, et qui ont connu ce qui implique sa sagesse et sa gloire. Après, il dit, et celui qui perd l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui perd aussi l'espoir en sa victoire, etc. Alors, lui aussi, il a eu des mauvaises pensées à propos d'Allah. Après, il dit, وَمَنْ جَوَّزَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَذِّبَ أَوْلِيَاءَهُ مَا إِحْسَانِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَيُصَوِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَعْدَائِهِ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Donc, celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala peut punir ses pieux serviteurs, ses serviteurs pieux, malgré qu'ils sont sincère et bon, et qu'il pense qu'Allah va les traiter de la même façon que ses ennemis, alors il a pensé des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans beaucoup de versets, il dit, par exemple, نعم هل يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي الأعمى والبصير. Celui qui est aveugle n'est pas égal à celui qui voit. Par exemple, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عليكم السلام ورحمة الله. نعم الله سبحانه وتعالى يزيد القرآن par exemple أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون فأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Donc Allah SWT dit, est-ce que celui qui est croyant est comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Et il y a plein d'autres versets dans le Coran. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. Est-ce qu'on va rendre ceux qui font le bien et les bonnes œuvres, qui croient et qui font les bonnes œuvres, comme ceux qui font le désordre sur la terre? Est-ce qu'on va rendre les gens qui craignent Allah égaux à ceux qui sont des pervers? Alors Allah SWT dans plusieurs versets, il a fait la distinction entre les croyants et entre les non-croyants dans les ayats, et il a montré qu'il ne veut pas les traiter de la même façon, les deux. Il va traiter les croyants qui font les bonnes œuvres d'une façon, et il va traiter les gens qui font le contraire d'une façon différente. Et donc, ça nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas punir les serviteurs pieux, et il va pas récompenser les kuffars, yani comme certains parmi les gens de Bid'a, ils ont cru que Allah subhanahu wa ta'ala agit sans aucune sagesse. D'accord? Ils ont cru qu'il décide de faire ce qu'il veut, même si, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a voulu, il n'y a aucune sagesse dedans. Donc, s'il veut, il peut punir les croyants et les sincères, et il peut récompenser les ennemis des messagers. Et tout ça, c'est selon sa volonté, et ils ont nié sa sagesse. Donc, ça, c'est une preuve de, ça nous montre que parmi les gens de Bid'a, par exemple, ça, c'est une des croyances de Al-Ash'ara. C'est une des sectes qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala agit sans aucune sagesse. D'accord? Ça nous montre un peu comment ces gens-là ont pensé des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh appelle du moment وَمَنْ أَنَّهُ يَطْرُكُ خَلْقَهُ سُدًا مُعَطِّلِينَ عَنِ الْأَمْرِ وَالنَّهِ لَا يُوصِلُ إِلَيْهِمْ رُسُلَهُ وَلَا يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ كُتُبَهُ بَلْ يَطْرُكُهُمْ هَمَلًا كَلَنْعَامٍ فَقَدْ ظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Le cheikh dit, et ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala il va laisser sa création comme ça, sans les ordonner quoi que ce soit, et sans leur interdire, et sans leur envoyer des messagers, ou sans leur révéler aucun livre. Et qu'il va les laisser comme ça, comme les animaux sur la terre, sans avoir aucune guidance. Alors ceux-là qui pensent de cette façon-là, ont eu des mauvaises pensées à propos d'Allah. Et yani, on voit que parmi les êtres humains, il y en a beaucoup qui pensent de cette façon. Il croit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes sur terre comme ça, et yani, pour eux, il n'y a aucune vérité. Il n'y a aucune vérité, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun livre. Tout le monde est libre, tout le monde peut penser ce qu'il veut, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et ces gens-là, bien entendu, ils ont eu des mauvaises pensées à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas créer la création et les êtres humains et les laisser comme ça errer dans l'égarement sans avoir aucune façon de trouver la vérité ou de trouver la lumière ou de trouver la guidance. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, hein, et il veut le bien pour sa créature. Après, le chef dit, وَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ عَبِيدَهُ بَعْدَ مَوْتِهِمْ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي دَارِ الْمُجَازِي الْمُحْسِنِ فيها بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسوله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. Donc le cheikh il dit, celui qui croit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas réunir ses serviteurs après le jugement, après la mort, pour les récompenser et pour punir dans un endroit où il va récompenser les gens qui ont fait le bien, pour il va les récompenser pour le bien qu'ils ont fait, et il va punir les gens qui ont fait le mal, et il va les punir pour le mal qu'ils ont fait, et il va créer, et il va aussi clarifier aux gens tous les sujets sur lesquels ils étaient en désaccord. Alors pour l'instant, au jugement dernier, il va clarifier pour tout le monde les problèmes qu'ils avaient entre eux, les différences ou les divergences qu'ils avaient entre eux, et il va juger entre tout le monde pour leur clarifier la vérité. Après, et il dit, oui c'est ça, et il va montrer à toute la créature et à tout l'univers, à tout l'univers entier, la vérité de ce qu'il avait promis. Et il va montrer à tout le monde la vérité de ce que ses messagers ont enseigné. Et il va montrer aussi que les ennemis des messagers, c'était eux les menteurs. D'accord? Parce que dans ce monde, les croyants, eh ben, ils sont là et ils disent aux non-croyants, la promesse d'Allah est véridique. Après la mort, il y a un paradis, il y a un enfer, il va y avoir un jugement. Et tout le monde ne sera pas jugé de la même façon. Il y aura les gens qui vont aller au paradis, qui ont cru, et il y aura ceux qui ont rejeté la vérité et qui vont être en enfer. Donc dans cette vie, les gens qui n'ont pas cru, ils se moquent des croyants, et ils disent que ce que les messagers ont dit est un mensonge. Alors au jugement dernier, là Allah subhanahu wa ta'ala va faire montrer à tout le monde que c'était les messagers qui disaient la vérité, et c'était les kuffars qui mentaient à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et à propos de la vérité. Donc on va arrêter maintenant. On va faire la salat et puis on va continuer inchallah la semaine prochaine. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اياكم لا اله الا الله محمد رسول الله.